Ça va faire du bien. On va prendre une petite pause de la nouvelle de la semaine au hockey régional. C'est l'arrivée possible d'une équipe, l'arrivée imminente de la Ligue nord-américaine à Roberval. On va parler avec Marc Fortier. On va parler des séries, également l'actualité chez les Canadiens, parce qu'il y a pas mal d'actualités. Rick Dudley qui est parti. Joël Bouchard, de toute vraisemblance, qui sera avec le Canadien prochainement. Salut, Marc. Salut, Danny. Marc, je vais poser la question sur les médias sociaux, puis je vais avoir ton opinion. Tu connais très bien Joël Bouchard. Où tu le vois dans l'organisation? Est-ce que tu le vois comme... Parce que j'écoutais Martin Leclerc au 91.9, puis lui, il dit, Joël Bouchard, il est tellement compétent que c'est un gars qui peut être aussi bien directeur du développement, il peut être instructeur adjoint à l'instructeur Claude Julien, il peut être instructeur en chef du Rocket de Laval, ou il peut être adjoint au directeur général. Tu le vois où, toi? Ben, c'est une très bonne évaluation parce que c'est vrai que quand on parle de Joël Bouchard, là, il peut faire tous les jobs. Il le fait d'ailleurs avec l'Armada, là, c'est quasiment lui qui passe la Zamboni. Là. Alors, il est occupé, il est impliqué dans tout, autant sur la glace qu'hors glace. Il s'occupe même du complexe. Il y a l'Académie Joël Bouchard, il y a le gym en haut. Il a le nez dans tout. Alors, pas besoin de vous dire que de ses belles qualités, c'est que c'est un workaholic, hein? C'est un travailleur infatigable. Moi, j'ai l'impression que Joël, c'est peut-être un gars qui va vouloir rester en contact avec la glace. Okay. Ça me surprendra pas, moi, de le voir en chef à Laval. Okay. C'est parce que justement par ce goût-là, c'est la même chose pour Patrick Roy. Hein? Ouais. On lui a offert juste la job de directeur gérant, puis Patrick voulait avoir les deux parce qu'il voulait revoir ce contact-là avec les joueurs, avec la glace, de rester impliqué. Tu sais, quand t'as le hockey dans le sang, t'aimes ça au quotidien là, de pouvoir rester en contact avec tes joueurs et tout. Alors, j'ai l'impression que dans le cas de Joël, c'est quelque chose qu'il aimerait peut-être plus que seulement faire de la gérance du haut des estrades sur les galeries de presse. Là. Alors, ça me surprendrait pas, moi, soit coach des défenseurs chez le Canadien, okay. Ou bien, où je le vois le plus, moi, je pense, ce serait entraîneur avec le Rocket. Okay. Directeur du développement, parce que tu sais que ça a fait défaut chez le Canadien. Le développement, là, au cours des dernières années, ça a fait défaut chez le Canadien. Puis Joël, tu sais, il connaît là, vraiment la nouvelle tendance des jeunes de 16, 17, 18 ans, 20 ans. Il connaît les jeunes d'aujourd'hui. Puis il sait comment s'y prendre. Moi, c'est là que je le vois. Ouais, mais toi, tu parles des joueurs qui sont encore juniors. Les joueurs repêchés puis les développés par le Canadien. Ouais, mais les développés, tu peux pas... Tu sais, je veux dire, les joueurs juniors qui sont repêchés, là, un exemple, le gars qui retourne avec son équipe junior, tu peux pas faire grand-chose, là, tu peux pas commencer à ingérer avec l'équipe junior, puis à travers le coach. Qu'est-ce que tu peux faire, c'est d'aller une fois par semaine, une fois ou deux semaines, voir le petit gars, peut-être tu demandes à l'équipe junior d'embarquer sa glace, puis de travailler avec lui après une pratique, mais c'est pas tous les jours, là, ça, c'est une chose qui est surtout plus mentale. Tu vas le voir jouer, tu vas aller dîner avec, tu vas y parler. Alors, tu comprends-tu? C'est Martin Lapointe qui fait ça présentement chez le Canadien. Il y a Martin qui s'occupe du développement des joueurs, mais tu peux pas faire grand-chose avec le joueur. Alors, et puis quand il est à Laval, ce qui est rendu à Laval, un jeune qui arrive avec Laval, ben si tu veux faire ce développement-là, justement, ben il n'y a pas meilleure façon de le faire qu'en étant entraîneur-chef de l'équipe. Okay. Alors ça te permet de pouvoir justement faire le développement du joueur tout en étant coach. Alors c'est pour ça que je te dis, Players Development, tu sais, le titre, c'est important de faire le suivi avec le jeune, de lui montrer qu'on le suit puis que l'équipe croit en lui, mais physiquement parlant, t'es limité dans tes possibilités de faire de quoi avec. OK, mais c'est tellement important. Puis c'est ça qui a fait défaut aux Canadiens. Ça, puis le recrutement, puis ça, c'est prouvé. Puis un gars compétent comme Joël Bouchard, me semble que... En tout cas, c'est là qu'ils ont le plus le besoin. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est là que je le verrais. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement là qui va aboutir. Je pense que un peu comme toi, qu'il est trop compétent pour être seulement peut-être la job que tu dis, là, mais c'est là que je le ferais pareil. Oui, mais dans ce cas-là, Danny, si on veut vraiment qu'il s'occupe du développement, c'est vraiment à Laval qu'il doit être, parce que c'est vraiment là, t'amènes, tu sais, le jeune arrive quand même à 20 ans, dans la, tu sais, dans, il finit son hockey junior, il arrive à 20 ans, et là, tu le prends puis tu le développes pour que, tu sais, normalement, à moins d'être un choix de première ronde, là, puis un exceptionnel, là, c'est rare, tu vas faire la Ligue nationale à 19-20 ans, là. C'est sûr que. Vraiment, tu sois exceptionnel. C'est sûr qu'être entraîneur-chef d'une équipe, moi, je le dis tout le temps aussi, c'est très important. Sylvain Lefebvre, moi, ça a manqué totalement. Le joueur qui arrive dans la, qui est retourné, qui a fait 5-6 matchs en Ligue nationale, puis qui a, qui retourne dans la Ligue américaine, puis lui, il pensait qu'il est de calibre. Le gars doit être déçu. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de psychologie pour j'imagine aussi. Là. Hein, aujourd'hui, c'est incroyable le côté psychologique, comment qui est important pour un joueur. Ouais, ouais, ouais. Ça se passe dans la tête, je te le dis. Moi je pense que 75% de la game se joue dans la tête, là, parce qu'on on s'entend que lorsque tu arrives dans la Ligue nationale ou avec une équipe pro, t'es dans le petit trou de l'entonnoir. Là. Ça veut dire que tu as réussi à passer à travers une multitude de joueurs. Alors, on s'entend que le talent, il va être similaire. C'est quand même l'élite de l'élite mondiale là, qui se retrouve là. Alors, côté talent, tous les joueurs ont des aptitudes potentielles de pouvoir faire la Ligue nationale. La différence va jouer où? Elle va jouer dans ton mental. Okay. Alors, c'est sûr et certain que le côté psychologique est important. OK. Marc, est-ce que les Prédateurs vont se relever? J'espère que non. j'aime Winnipeg. C'est deux équipes extraordinaires. Moi, là, les deux séries qu'on a vues hier, là, pour c'est moi, les c'est meilleurs, du bonbon. Hein? Là, c'est, ben là, Colin, c'est un classique Ovechkin-Crosby. Ça, c'est un immanquable. C'est merveilleux. Puis, à mon avis, les deux équipes qui sont le mieux taillées pour se rendre loin des équipes de séries, c'est vraiment Nashville et Winnipeg. Qui ont toutes, là, ça joue d'un but, c'est solide. Défensivement, c'est solide. T'as des bons patineurs, t'as des gros joueurs, t'as des mix de tout. C'est des équipes qui ont été très, très bien bâties, qui sont très, très bien coachées. Alors, ça donne, pour moi, c'est du bonbon. C'est une soirée extraordinaire hein, de pouvoir s'asseoir puis de regarder deux matchs de hockey. Mais vraiment excitant. Tu sais, Marc, Pickering fait pas de job. Hein? Tu sais, quand on disait, là, à quelque part, à un moment donné, un gardien de but doit faire les arrêts clés, stopper l'hémorragie. C'est ça. C'est exactement ce que Rennie n'a pas fait hier. Oui, c'est un bon point. Puis, regarde les équipes que c'est plus difficile. Là. Moi, je m'excuse, là, mais Murray, là, hier, il n'a pas été fort non plus. Là. Mm. Il s'est lancé. Il aurait pu en arrêter un. Là. C'est sûr que les gardiens ont un gros mot à dire lorsqu'on arrive là, comme ça dans les séries. Murray, dans les conquêtes de la Coupe Stanley des Pingouins, il a été extraordinaire. Là. Je te dis pas qu'il est pas bon, là. Ouais. Je te dis juste que hier, je regarde là, mais l'arrêt, le one-timer, il aurait pu arrêter ça. Il était quasiment dans le mythe. Là. Il était à un centimètre là, de passer à côté. Et puis hier, ben, c'est sûr et certain qu'à 3-0 pour Nashville, ton gardien doit faire le gros arrêt qui va arrêter un peu l'hémorragie. Ça n'a pas été fait hier. Alors, c'est sûr que les gardiens ont un gros mot à dire. Et puis, regarde la situation de Vegas. Ouais, c'est incroyable. C'est fleuri, le joueur. Ouais. Le joueur des séries jusqu'ici, si on regarde là, toutes séries confondues, le joueur des séries jusqu'ici, tu sais, on parle beaucoup de Pasternak avec la ligne avec Bergeron et Marchand, mais Fleury, c'est le joueur clé jusqu'ici. Ouais, mais tu sais, l'autre fois, j'ai demandé, je sais pas si tu l'as vu passer, Carey Price ou Marc-André Fleury. Tu sais, au début, je mettais ça pour m'amuser, mais dans le fond, elle n'est pas si conne que ça. Quand tu regardes le record de Marc-André Fleury, je me fous, moi, que Price ait une belle technique, puis je me fous que, tu sais, c'est le record en série. Puis Marc-André Fleury, là, forcé d'admettre, là, il est là, puis il y a eu deux autres conquêtes de la Coupe Stanley également. Donc, c'est un gardien de but qui est là, tandis que Price n'a même pas eu 500 en série, là. Tu sais, c'est... Ah, c'est... Ouais. C'est sûr que Fleury, c'est un gamer, là, Fleury, hein, on le voit, mais... Ouais. Il faut oublier. Moi, je regarde la manière qu'il jouait à Pittsburgh l'année passée. Mettons, c'était plus le Marc-André Fleury qu'on avait été habitué de voir, qui était un petit peu inconstant dans ses performances. Le regain de vie qu'il a à Vegas lui a permis de redevenir le Marc-André Fleury qu'il était. Mais tu sais, c'était le temps que s'en aille. Là. C'était le temps d'un changement d'air dans son cas. Parce qu'il tournait un petit peu en rond à Pittsburgh. Alors, tant mieux, Colin. ça permet justement cette concession-là de se mettre sur la map, puis c'est profitable. Alors, est-ce que c'est ce que ça prendrait à Price, un changement d'air? Je ne sais pas, mais dans le cas de Fleury, c'était bénéfique. OK. Je veux te parler en terminant de Steven Stamkos. C'est un joueur qui est considéré un joueur d'impact. Il fait pas grand-chose, hein? Non, c'est il joue pas du gros hockey, là, même si ils ont gagné. Là, c'est les joueurs de soutien jusqu'ici. Ouais, là, Brandon Point. Dans cette série-là, là, ben oui, Brandon Point, ça joue avec Gould, c'est ouais. Pour moi, là, c'est merveilleux. Quelle belle histoire de joueur. Quand tu regardes des Gould, des Marchessault, ces gars-là, c'est des joueurs d'impact dans leur équipe qui ont après une belle carrière junior, ont dû prouver encore une fois qu'ils avaient leur place dans la Ligue nationale. Alors, c'est des Brandon Point, puis c'est toute cette petite gang-là de petits joueurs rapides qui traînent leur équipe. Mais c'est sûr et certain que si Tampa Bay veut le gagner, ça va prendre un meilleur apport de Kucherov, de Stamkos et compagnie, plus les séries avancent. Hey Marc, en terminant, j'ai une question qui m'arrive. Le Canadien a le troisième choix. Tu connais Philippe Zadina. Tu connais pas les autres, là, mais tu n'as entendu parler. Est-ce que Zadina est un joueur pour le Canadien? Moi, je regarde ça, là, puis il me semble que Brady Tkachuk, c'est ça, on l'a pas vu jouer, mais Brady Tkachuk, dans le... Il me semble que ce serait mon choix. Toi? Écoute, j'ai vu jouer Zadina, j'ai pas vu jouer Tkachuk. Mais t'as lu sur lui aussi, là, j'imagine. Là. Ouais, mais il y a un joueur, moi, pour de vrai, Danny, là, je me recule. Savoir que le joueur serait là, je me reculerais quasiment pour aller chercher ce gars-là. Pourquoi je me reculerais? C'est qu'en te reculant, tu peux aller chercher un choix de deuxième ronde. Ben oui, un choix de plus, là. Ouais. Mais Dobson, le défenseur de Batters, là, okay. Tout un joueur de hockey. C'est tout un joueur de hockey. Ce gars-là va être je crois qu'il va être un défenseur étoile dans la Ligue nationale. C'est un des bons défenseurs que j'ai vu passer dans le junior dans les dernières années. C'est moi, là, quasiment, mettons qu'il est classé 7, peut-être. 7-8 ans, oui, c'est ça. Ouais. Puis surtout les besoins du Canadien. Tu regardes les besoins du Canadien, c'est quoi? C'est le centre, puis c'est les alliés. Les défenses, c'est-à-dire. Les défenseurs. Les défenseurs, puis un joueur de centre. Donc, si tu peux aller chercher un choix de 2 de plus, pourquoi pas? Ben, il faut que tu sois sûr que ton Dobson est là, parce que là, si tu échanges ton choix, puis tu arrives après ça en 7, puis en 7, il est parti, là, c'est sûr, certain, tu te retrouves les fesses à l'eau, là. Alors, c'est un gros gambling à faire, là, mais je vais te dire une chose, tu sais, Zadina, oui, c'est un bon joueur, mais... C'est-tu un caractère? C'est un joueur de caractère, parce que c'est la question que je me pose aussi, c'est un Européen. Un 3 overall, il faut que ça soit un joueur vraiment d'impact. Là, surtout cette année, qui est un bon repêcheur. Oui, les 3 overall qui ont passé, quand tu fais une liste, là, des Jonathan Taze, qui ont été des excellents. Je ne sais pas, Krim, s'il va devenir un joueur comme ça. J'ai un petit point d'interrogation, mais sur Dobson, je n'ai même pas de doute. Alors, c'est pour ça que je te dis. Parce que Brady Tkachuk, c'est tout un. Ce qu'on dit de lui, c'est un joueur tellement. Il est intimidant, il joue physique, capable de marquer des buts, amène beaucoup d'émotions à l'équipe. Le Canadien a besoin de ça, par contre, c'est pas un joueur de centre. Il peut jouer au centre, c'est un allié qui peut jouer au centre, par contre. Ouais, ben ceux qui se souviennent de son père, qui est Tkachuk, qui est un joueur exactement, qu'est-ce que tu viens de décrire du jeune, c'est exactement la façon que son père jouait. Alors, c'est sûr et certain qu'il y a eu une saison quand même très intéressante, Kate Tkachuk. Alors, si le fils peut en faire autant, c'est un joueur qui devient intéressant, mais comme je t'ai dit, je ne l'ai pas vu jouer du tout, alors c'est difficile de me prononcer là-dessus. Ben Marc, félicitations. Merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. Fait qu'on va te suivre avec les remparts. Évidemment, je ne t'appelle pas pour parler du junior, là, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec toi avec les remparts, puis on se reparle bientôt. Ben, ça fait plaisir, Danny. Marc Fortier, notre collaborateur à